embarquer. Quand elle a levé le pied, j'ai démarré, j'ai accéléré. Dommage, elle a pu embarquer. Dommage qu'il ne soit pas tombé. Noyer. Dommage, elle avait son gilet.